national. Bah oui. C'est un moment très apaisé à Rouen, pendant qu'il y a les nouvelles qu'à Paris, les manifestantes et les manifestants se font gazer et tirer dessus au bel BD par des voltigeurs à moto. Ça fait un peu bizarre. Thank you.